Bonsoir, vous êtes à l'écoute de l'émission du lundi soir, Calendrier des esclavages et des libérations. De quoi sera-t-il question ce soir? Eh bien, d'abord un sujet sur l'Espagne, en 1939, la retirada, c'est-à-dire les Espagnols qui se sauvent, qui se réfugient en France pour échapper au régime franquiste, qui était une des pires dictatures de l'époque. Bon, en concurrence avec le nazisme allemand, bien sûr, et en concurrence avec le fascisme italien. Mais bon, voilà. Alors, ces républicains qui voulaient échapper à la dictature sont venus se réfugier en France et ils n'ont pas forcément été accueillis de façon très très digne. Déjà, à l'époque, on ne soignait pas forcément les réfugiés comme on aurait peut-être dû le faire, comme on aurait sûrement dû le faire. Ensuite, à la même époque, les Jeux Olympiques de Berlin, la grande illusion. Le ministre de la propagande Goebbels a organisé les Jeux Olympiques de telle manière que ceux qui ont voulu se laisser berner, ont été bernés, mais alors complètement. Alors, Jacques Brel nous chantera ces gens-là. Ces gens-là, qui c'est? Ma foi, je vous laisse deviner. Votre voisin, votre voisine, votre cousin, votre cousine, etc. Bon, bref. La clé, c'est l'implication du grand nombre, dit Adrien Quatennens. Alors, il va nous expliquer pourquoi. Retraite, le gouvernement nous ment. Yann Le Bolloc, l'interview énervante. C'est le titre qu'ils ont mis, mais moi je ne trouve pas du tout cette interview énervante. Yann Le Bolloc, il dit beaucoup de vérité. En peu de mots, il dit beaucoup de vérité. Bon, Léo Ferré nous chantera, ils ont voté. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Eh ben voilà, on aura l'explication là. Et puis, chanson de... un reportage plutôt sur Missak Manoukian. Qui c'était Missak Manoukian? Eh bien, c'était série sur les frères d'armes. C'était des gens qui étaient parfaitement étrangers et qui se sont battus dans la résistance pour permettre aux Français de retrouver la liberté. Eh oui, des étrangers. Alors, les Espagnols dont je parlais tout à l'heure, la retirada, il y en a un certain nombre qui se sont engagés dans la résistance. Eh oui, et il y en a qui se sont engagés aussi dans l'armée de libération. Le premier char qui est arrivé à Paris, le premier char de la division Leclerc, qui a contribué à la libération de Paris, il était piloté par des Espagnols, des républicains espagnols. Vous voyez? Voilà. Alors que tous les Français n'ont pas été dans la résistance. Loi s'en fout. Eh oui. Alors, voilà. Français, ça se mérite. Le titre de Français, ça se mérite. Certains le méritent, qu'ils soient d'origine étrangère ou d'origine française, et d'autres le méritent beaucoup moins. Voilà. Alors, Manoukian, lui, il méritait. Alors, Manoukian, il était arrêté. Et il était fusillé. Il faisait partie de ceux dont le nom était inscrit sur l'affiche rouge, qui était destinée à faire peur au peuple français. Ouais. Et des gens en dessous de l'affiche rouge ont marqué « Mort pour la France ». Voilà, c'était des étrangers, mais ils sont morts pour la France. On leur doit un grand, grand, très grand merci. Mélenchon, les riches coûtent cher. Eh oui, finalement, qu'est-ce qui nous coûte cher? Eh bien, ce sont les riches. Voilà, bonne soirée et bonne nuit après, faites de beaux rêves. Le calendrier des esclavages et des libérations. Le 9 septembre 1805, en France, le calendrier républicain est aboli. Un senatus consulte remet en usage le calendrier grégorien à dater du 11 niveau suivant, soit le 1er janvier 1806. 1848, France. Une loi fixe un maximum de 12 heures de travail pour les établissements de plus de 20 personnes. Les petites entreprises, de loin les plus nombreuses, y échappent. 1848, France. 1898, Philippines. Le gouvernement fondé par Aguinaldo, le meneur des révoltés, s'installe à Malolos. 1922, Arménien, Turquie. Après la récupération de Smyrne par les Turcs, la communauté arménienne est massacrée. 1929, Japon. Formation de la Fédération nationale

que les troupes franquistes envahissent la Catalogne en janvier 1939 et prennent Barcelone le 26 janvier 1939, il y a un mouvement de panique très très très fort qui s'empare de tout le monde. La retirade est devenue le nom pour désigner l'exode des républicains espagnols en février 1939. La retirada veut dire la retraite en France. Toutes ces personnes, donc par dizaines de milliers, ne souhaitent pas rester dans une Catalogne qui est prise par les franquistes et ils craignent d'être tués. Ils s'en vont par tous les moyens possibles, hein, souvent à pied. Parfois, ils peuvent monter sur un camion ou un tracteur, ils emportent ce qu'ils peuvent, et ils vont vers la France. Tout le long des Pyrénées, il va y avoir du passage. Alors, il y a des passages où les autorités sont là pour les réceptionner, pour les filtrer, pour faire le travail de police en quelque sorte, mais aussi il y a toute la partie sauvage. Et donc, il y a des républicains qui sont passés un petit peu partout. La Bajol est un lieu très important de la retirada. Par ici sont passés le président de la République espagnole, Manuel Azaña. Il y avait aussi le président de la Généralité de Catalogne, puisque la Catalogne avait une certaine autonomie à l'époque, et comme maintenant d'ailleurs. Et le président, c'était Luis Companys. Il y avait aussi le président du Pays Basque, qui s'appelait José Antonio Aguirre, et puis le président du Parlement espagnol, Martínez Barrio. Donc ces quatre personnalités sont passées par le col de Yi. Quand nous sommes arrivés, il y avait je ne sais pas combien de milliers de troupes et des réfugiés qui s'étaient amassés. Qui fuyaient les troupes phalangistes. Eh bien, ils sont venus à je ne sais pas combien d'avions, avec des avions Stuka, on appelait les Stuka allemands, qui non seulement mitraillaient, mais en même temps ils lançaient des sirènes, mitraille et bombes, et des sirènes en même temps qui, c'était la terreur. Ces sirènes, on croyait que le ciel s'effondrait sur vous. Eh bien, c'est impensable. Il y a eu beaucoup de victimes. On est en février 39 à ce moment-là. Il fait très froid. Ça veut dire une marche de plusieurs jours. Pas grand-chose à manger, pas grand-chose à boire. On est en plein hiver. Ces gens sont des personnes qui sont affaiblies, qui ont faim, qui sont malades. Il va y avoir énormément de morts. Antonio Machado, célèbre poète andalou, fuit l'arrivée au pouvoir de Franco et choisit de s'exiler en France. Épuisé, il passe la frontière par le Pertus pour s'arrêter à Collioure le 2 février 1939, où il meurt 20 jours plus tard. Son frère trouve dans une de ses poches un bout de papier sur lequel était écrit « Estos días azules y este sol de la infancia ». Ces jours bleus et ce soleil d'enfance qui est considéré comme son dernier vers. Le 28 janvier, la frontière ouvre parce qu'elle avait été fermée quelques jours auparavant. Il faut rappeler que c'était de 450 000 à 500 000 personnes qui sont passées du 28 janvier au 13 février. Les autorités ont été prises de court parce qu'ils n'y s'étendaient jamais à une telle affluence. Le gouvernement républicain lui-même, quelques jours avant, demandait l'asile pour 150 000 personnes. La France laisse passer d'abord les civils, les femmes, les enfants, les personnes d'un certain âge, et puis quelques jours après, elle laisse passer les militaires. Les hommes qui étaient en âge de porter les armes étaient désarmés et conduits vers des camps que l'on va installer très très rapidement avec peu de moyens au départ. Et les femmes et les enfants et les personnes plus âgées sont conduits en train vers de très nombreux départements et sont dispersés dans toute la France. Nous avons traversé la frontière dans un train. Et ce train devait s'arrêter à La Nouvelle, où était mon père. Mais sur le quai de la gare, les gendarmes ont décrété que personne ne descendait du train. Et ce train a donc continué vers le nord. Et ça a duré longtemps, ça a duré un jour, une nuit. Et périodiquement, à une gare, puis à une autre, on décrochait un wagon. Et les gens qui étaient dans ce wagon commençaient leur exil là. On va ouvrir dans cette zone. toute une série de camps dans l'urgence, pas encore Rivesaltes. Les premiers camps, quelques-uns donc, dans la montagne, parce que ce sont des Espagnols qui arrivent vers là, mais la plupart des Espagnols, ils arrivent par quasiment le bord de la mer, le Pertus. Et donc, où est-ce qu'on les met ? Sur la plage. Sur les plages. Mais qu'est-ce que c'est que ces camps au début ? C'est sur une plage glaciale l'hiver, c'est la mer, et puis un rectangle qui est délimité par des barbelés, avec des troupes, différents corps de troupes pour surveiller les internés, et puis il n'y a rien d'autre. Évidemment, c'est pas l'accueil qu'on attendait. Le début a été terrible. On était gardé par des Marocains, des Spahis. Et vous savez, quand on est 80 000 dans un camp, eh bien, quand il y avait un problème quelconque à l'intérieur, des bagarres, ils rentraient à cheval, sabre dégainé, et ça, il ne fallait pas se trouver sur le passage. Parce que après, on ramassait les blessés. On rentrait avec les camions, et puis on jetait comme ça dans la foule les pains. Alors, il y en avait qu'en avait beaucoup, d'autres en avait moins, il y avait des bagarres. Il a fallu quand même créer une organisation. On était à Argelès d'abord, et puis 2 mois après, on a commencé à construire des baraquements à Saint-Cyprien et à Lébarcarès. Et quand il y en avait un défini, eh bien, on était transféré à ces baraquements. Le Barcarès, la première archive que l'on ait concernant ce camp-là, elle date de une semaine après l'ouverture du camp. C'est pour expliquer qu'enfin, on a réussi à faire entrer à l'intérieur du camp une citerne d'eau. La première citerne d'eau arrive à l'intérieur du camp de Barcarès une semaine après les internés. Mais c'est une citerne pour à peu près 80-85 000 internés. Alors comment ils font pour boire pendant une semaine ? On creuse dans le sable, exactement. Et on va boire, alors c'est ce qu'on appelle de l'eau saumâtre. Donc ils sont sur la plage, ils font des trous dans le sable, ils boivent l'eau qui a 3 ou 4 mètres de profondeur. Ça veut donc dire qu'avant d'envoyer de l'eau, on a mis des barbelés. C'est dans ces conditions-là que la République française accueille les réfugiés républicains espagnols. Aujourd'hui, on pense que sur tous ces camps des plages, peut-être 6 000 morts. Certains avancent le chiffre de 12 000. Il y a donc un certain nombre de gens qui sont partis de différents ports, Alicante, Murcie notamment, et qui sont partis vers l'Afrique du Nord. Là aussi, ils sont internés dans des camps. Depuis les camps français, il va y avoir 27 000, 30 000 personnes qui vont partir vers le Mexique. Quelques milliers en Amérique du Sud, quelques milliers aussi en Russie. Et à la fin de la guerre mondiale, il ne va rester en France que dans les 170 000 Espagnols qui vont donc vivre le restant de l'exil en France. Lassagna est un homme brisé et désespéré à ce moment-là, hein, vraiment. Et qui va donc se retirer en Haute-Savoie, puis au Pilat, sur le bassin d'Arcachon, et là il sera obligé de fuir en juin 40 parce que l'offensive allemande fait que la zone de Bordeaux devient une zone occupée, et il va échouer, on peut le dire, à Montauban, un peu par le fait du hasard, où il va vivre ses derniers mois, et c'est là qu'il va donc mourir le 3 novembre 40 pour être enterré dans les jours suivants. D'une manière figurée, je pense que l'exil, c'est ça. C'est le moment à partir duquel on se sépare de sa famille, on se sépare de son village, on se sépare de ses amis, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va le retrouver. Et l'exil ne terminera que lorsque l'on bouclera le cercle et on reviendra au point de départ pour se retrouver tous ensemble. Août 1936,

que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil que moi j'aime Frida. Même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas, enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi. Bonjour et bienvenue dans Dimanche en politique, c'est notre rendez-vous sur France 3 en direct tous les dimanches, c'est la 9e saison de notre rendez-vous politique sur France 3 donc, et notre premier invité est Adrien Quatennens. Je suis venu en politique par frustration, avait-il déclaré il y a 2 ans, celui qui aujourd'hui a 29 ans est un nouveau venu encore dans le paysage politique. Il est député du Nord et il est maintenant numéro 2 de la France Insoumise, histoire de relancer la machine avant les municipales. On va parler avec lui aussi des débats houleux à venir sur la réforme des retraites ou encore du référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'inaugurer cette nouvelle saison, la 9e donc de Dimanche en politique, je le disais. On va commencer par l'actualité. L'attaque au couteau à Villeurbanne hier. L'auteur est un Afghan, demandeur d'asile, 1 mort, 8 blessés. L'auteur de l'attaque a été maîtrisé par des personnes qui ont assisté à la scène. Il a été placé en garde à vue pour assassinat et tentative d'assassinat. Le gouvernement ne parle pas d'attentat pour l'heure. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'y refuse. Il a raison de rester prudent. Je le pense, oui. D'abord, si vous me permettez, adresser un mot de compassion, de condoléance pour la famille de cette jeune victime qui a perdu la vie hier à Villeurbanne, pour les blessés dont certains sont encore dans un état grave. Dire que, bien sûr, faut faire toute la lumière et l'enquête, j'espère, le plus vite possible le fera sur ce fait tragique. Mais dire aussi, en effet, qu'il faut refuser de sauter à la corde que nous tend Madame Le Pen, ou M. Ciotti, par ailleurs, qui profite de cette occasion pour faire un amalgame douteux avec le droit d'asile, ce qui est insupportable. Et je refuse cette idée parce qu'elle affaiblit aussi notre capacité de réaction politique, notamment dans les faits auxquels nous sommes confrontés. Voilà ce que je veux dire. Mais pour l'instant, donc, je le disais, la piste de l'attentat n'est pas retenue. S'il s'avérait que ce soit un attentat, ça voudrait dire que la menace, évidemment, est toujours là en France. Mais par ailleurs, cher monsieur Le Tellier, s'il s'avérait ou non qu'il s'agisse d'un attentat, la menace, elle existe, elle est bien réelle et on n'en finira pas en un claquement de doigts. Et je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de raisons, y compris face aux menaces qui pèsent sur notre pays. Et garder la raison, ça veut dire avoir un diagnostic politique clair sur ce qui se passe et aussi, dans l'éventualité où il s'agirait d'attentats, ce qui n'est pas à cette heure, vous l'avez justement rappelé le cas, eh bien ne pas non plus rentrer dans les pièges que saisit l'adversaire. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut raison garder, avoir confiance en nous, avoir confiance aussi dans notre doctrine de sécurité, mais ne pas succomber à toutes ces tentatives qui font que, par coup de tweet, vous réagissez à la seconde, alors que les faits ne sont même pas encore éclatés. On va revenir maintenant en 3 temps sur plusieurs moments de la semaine, et notamment Greta Thunberg, qui est une figure du combat pour le climat. Elle est arrivée à New York, après avoir traversé pendant 2 semaines l'Atlantique sur un bateau. Auparavant, avant d'aller à l'ONU, elle ira au Canada, au Mexique, au Chili. Est-ce qu'elle vous épate, pour reprendre le propos que Jean-Luc Mélenchon avait eu pour Éric Drouet, le Gilet jaune? Oh, faites une drôle de comparaison. Elle est très intéressante parce que, vous savez, on peut dire ce qu'on veut sur le style Greta Thunberg, Mais, qu'est-ce que vous en diriez d'ailleurs ? Mais moi, bon, elle a un style tout à fait singulier, mais je trouve qu'elle c'est-à-dire, est utile. Ça veut dire quoi ? Elle est utile dans le paysage. Mais ça veut dire quoi sur son style quand vous dites qu'il est singulier ? Bah, parce que c'est le visage de cette jeunesse qu'on n'attendait pas à se mêler de manière aussi forte et aussi radicale de la question climatique. Mais ce qui importe, vous savez, c'est le diagnostic qu'elle pose, qui finalement ne s'appuie que sur la parole des scientifiques. Je veux dire d'ailleurs que M. Nicolas Sarkozy, qui a fait sa rentrée à l'université du MEDEF, j'ai trouvé très mal inspiré dans les moqueries qu'il a laissé entendre vis-à-vis de Greta Thunberg. Nicolas Sarkozy ferait, de mon point de vue, mieux de s'interroger sur ce que dit cette jeune fille et le diagnostic scientifique sur lequel elle s'appuie. Vous lui faites confiance à Greta Thunberg. Mais je fais confiance à sa parole dans la mesure où elle nous alerte, nous autres, les responsables politiques, en nous sommant d'écouter la parole des scientifiques. Et c'est extrêmement important parce que ce que disent les scientifiques, M. Le Tellier, c'est que nous avons un temps limité. On parlait de 12 années il y a quelque temps. Maintenant, on parle potentiellement de 18 mois pendant lesquels il faut prendre des décisions radicales. Donc à partir de là, contrairement à M. Sarkozy qui met en cause la démographie, vous voyez, ça c'est aussi l'échappatoire, c'est un modèle économique qui est en cause. Aussi, et il y a toutes les solutions pour y répondre, c'est ça le plus frustrant. Nous aussi, notre temps est compté. Deuxième visage, c'est Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui ne désarme pas. Il estime pouvoir parler avec tout le monde, et on va l'entendre, sauf avec Emmanuel Macron. Macron doit retirer son insulte à mon égard, disant que je suis un menteur. Pour accepter quelque chose de la France, il doit retirer ces mots et nous pourrons parler. Alors, Adrien Quatennens, quelle est pour vous la solution pour sortir de ce bras de fer entre le président brésilien et le président français ? Écoutez, à part la diplomatie, je ne vois pas grand-chose, mais dire que M. Bolsonaro n'a pas le comportement et n'a pas les mots ni d'un responsable politique et encore moins d'un chef d'État. Faut dire les choses. Quand on s'en prend à la première dame du pays pour espérer amorcer une dispute politique, c'est très, très malvenu. Et puis par ailleurs, M. Bolsonaro, c'est aussi le déploiement d'une politique détestable au Brésil. Enfin, c'est ce monsieur qui s'accommode du travail des enfants, qui déforeste l'Amazonie dans des proportions inconsidérées. D'ailleurs, on voit les conséquences que ça a avec les graves incendies. Qui, à peine est-il arrivé au pouvoir, a réintroduit jusque 250 pesticides qui avaient été interdits justement au Brésil. Est-ce qu'il faudrait pour l'Amazonie, dont on dit que c'est le poumon de la planète, un droit d'ingérence écologique internationale ? Mais il faut pouvoir en discuter à l'échelle internationale, mais au-delà de... Mais ça appartient au Brésil d'abord, non ? Oui, mais attendez, c'est aussi un patrimoine de l'humanité. S'il s'agit effectivement de la pérennité de la vie humaine sur Terre, puis je vous rappelle que les Français sont aussi concernés, parce que l'Amazonie, figurez-vous, qu'elle ne s'arrête pas à la frontière guyanaise. Donc il faut pouvoir effectivement agir. De ce point de vue, je veux dire que je suis très déçu aussi des conclusions du G7, parce que vous avez vu que alors que ce G7 s'est tenu dans le contexte particulier des incendies en Amazonie... Et qu'Emmanuel Macron a mis en avant, d'ailleurs. On devrait se contenter de 20 millions d'euros pour l'Amazonie, c'est-à-dire quelques centaines d'euros à peine par départ de feu. C'est insuffisant. Je crois vraiment qu'il faut rompre avec un monde, Monsieur Le Tellier, avec ce monde finalement qu'incarne le G7, celui où 26 personnes possèdent autant que la moitié de l'humanité, celui que Monsieur Macron défend, qui consiste à croire qu'on va pouvoir continuer avec cette croissance infinie. Et j'en termine. J'insiste bien sûr là-dessus. Vous avez parlé de la frustration en politique, celle qui m'avait mené à me mouvoir dans dans le champ politique. Vous savez, ce qu'il y a de frustrant, c'est que pas un jour ne se passe de mon rôle d'opposant avec mes camarades de la France insoumise sans que je n'imagine ce que nous aurions pu faire et où nous en serions à cette heure si nous étions aux manettes. Alors, et sur la question écologique, par exemple, j'ai le sentiment d'un profond temps perdu. Voilà, nous perdons un temps précieux pour résoudre une crise qui nous met tous au pied du mur. Troisième visage, Sylvie Goulard, candidate de la France officiellement pour la Commission européenne de Bruxelles. Finalement, elle a été blanchie par le Parlement européen sur l'affaire d'emploi de parlementaires, d'assistants parlementaires. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être nommée maintenant ? Oh bah écoutez, politiquement d'abord, Sylvie Goulard, c'était celle qui disait au moment où M. Moscovici était envisagé pour la Commission européenne qu'il fallait absolument mettre là-dedans des personnes incontestables, parce que sinon on pourrait nous les reprocher. Je ne suis pas certain à cette heure qu'elle soit de ces personnes incontestables. Bon, il y a évidemment de persistant cette affaire du think tank américain dans lequel elle travaille, dont les missions sont d'ailleurs assez floues. Et puis, vous sur la question, une enquête là-dessus, mais sur la question européenne, en fait, Sylvie Goulard représente le pire de l'Europe, de l'orthodoxie budgétaire, de l'austérité. Et je ne serais pas complet d'ailleurs dans mon diagnostic si je ne vous disais pas aussi mon étonnement de ce deux poids deux mesures permanent auquel on assiste. Je m'arrête un instant, mais sur l'affaire du Parlement européen. Madame Goulard a été mise en cause par le Parlement européen, puis blanchi. Désormais blanchie au moment où elle est candidate pour la Commission européenne. Mais par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, il n'a pas été mis en cause par le Parlement européen, mais par une dénonciation d'une eurodéputée du Front national, vous vous en rappelez, qui a donné lieu à 6 perquisitions chez des assistants parlementaires. Je n'ai pas vu qu'il y ait eu les mêmes perquisitions par ailleurs. Et puis ce deux poids deux mesures, finalement, montre bien aussi qu'il y a, et c'est valable à travers le monde, on pourrait reparler du Brésil et de Lula, quelque part un usage politique des moyens de justice. Pour terminer, en un mot, les députés européens vont devoir se prononcer sur ces Goulard. Ceux de la France insoumise voteront contre sa nomination. Mais ceux de la France insoumise, à mon avis, ils voteront contre, ils le diront, mais d'abord et avant tout, ils voteront contre pour une raison politique. C'est que Madame Goulard viendrait en quelque sorte renforcer un casting qui incarne parfaitement cette Europe du pire. Enfin, arrêtez-vous un instant sur Madame Ursula von der Leyen, sur Madame Christine Lagarde. Je ne les mets pas en cause en tant que personne, mais je mets en cause ce qu'ils incarnent politiquement. C'est la continuité profonde d'un modèle qui va à l'impasse. Monsieur Letellier, pour solder les grands défis auxquels nous sommes confrontés, il faut y compris imaginer qu'on ne pourra pas le faire avec l'orthodoxie budgétaire européenne. Et il y a d'autres défis, on va en parler des ministres. Il y en a beaucoup. Notamment parce que ce week-end, c'est la braderie de Lille. Ah oui. Moment important de la rentrée politique dans Absolument. Le Nord. Vous avez fait un petit détour par ici pour être sur notre plateau. Tout à fait. Après la contre-performance de la France insoumise aux élections européennes de juin, vous gardez le feu sacré. On était avec vous hier dans les rues de Lille et on a croisé vous aussi, Martine Aubry. Bonjour. Donc il marche et vous courez. Exactement, c'est le sens de ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que le pouvoir marche, mais nous on court. Alors ils ont un peu d'avance pour l'instant, mais on va les rattraper. Et vous nous avez abandonné. Moi je suis né ici. Ça veut dire que j'aimerais qu'on puisse véritablement rendre les clés de ce beffroi aux Lilloises et aux Lillois. Voilà ce que j'aimerais qu'on puisse faire. Non. Toi tu n'es pas candidat? Si, je crois. Ah mais tu es candidat? Ça, c'est bientôt que vous serez. Oui, ce serait bien qu'il se présente, oui. Pourquoi? Parce qu'il a été élu ici en tant que député, donc c'est logique. Il fait du bon boulot? C'est peut-être un peu trop tonitruant pour nous. C'est un jeune, il est brillant, il a ses convictions. Maintenant, je crois qu'il aura le besoin de faire ses preuves. Voilà. Ça va? Oui, toi. Très bien. Comme le temps. Alors, vous venez de saluer Martine Aubry? Elle cherche des alliés peut-être? Non. Ah, je sais pas. Ou alors simplement, elle essaie de dire bonjour aux gens, ce qui est poli, tout simplement. Vous avez de bons rapports, la France insoumise? Oui, on a des rapports républicains et, je dirais, populaires et de gauche, voilà. Et donc, on se dit ces choses telles qu'on les pense. J'espère qu'on a beaucoup plus de choses en commun que d'éléments qui nous divisent. Voilà. Adrien Quatennens, le député de la première circonscription du Nord, coordinateur de la France insoumise. Je trouve qu'il respire, la sincérité. C'est un peu ce qu'il raconte, oui. Il veut changer l'image des insoumis. Mais moi, avant, j'étais à fond Jean-Luc Mélenchon. Et après, les débordements, ces accès de colère, ces prises de position m'ont complètement agacée. Voilà. Donc, pourquoi pas, ouais. Plus calme. Adrien Quatennens, on vous voit comme le modéré de la France insoumise. Ça vous va, ça? Je ne sais pas si c'est une affaire de style, vous savez. Moi, je suis assez fier parce que dans ce groupe parlementaire auquel j'appartiens, en réalité, il y a un contrat politique entre nous, qui est un programme, l'Avenir en commun, qui nous paraît d'ailleurs toujours... Inchangé depuis la présidentielle. Mis à jour, parce qu'en fait, il y a tout un travail de livret, ça ne va pas passionner vos auditeurs, mais qui permet de réactualiser tout ça. Mais en réalité, vous savez, si nous pensions que la France insoumise n'avait pas une utilité dans le paysage politique, on ne s'acharnerait pas. Alors, je crois que les grandes urgences sont là et... Dites modéré, mais en fait, je crois à la lumière des faits. Si on regarde, y compris le diagnostic posé sur vos trois images de la semaine, je crois que ce que nous racontons, cette forme de radicalité, finalement, elle apparaît de plus en plus comme étant raisonnable. Avant ça, je voudrais vous demander, parce qu'on va revenir avant... C'est un vaste zapping, là, votre affaire. Non, juste. Est-ce que, parce qu'on vous a vu à Lille, vous êtes député de Lille, la question est de savoir si vous serez candidat au municipal à Lille. Il y a un an et demi, ici même, vous disiez que vous ne l'excluiez pas. Oui. Vous l'excluez aujourd'hui? Non, je ne l'exclus toujours pas, mais ce n'est pas encore le moment pour moi de me prononcer. Vous savez, c'est pas exclu. Vous savez, Francis Letellier, depuis c'est le premier jour... ce que vous dites. Oui, ce n'est pas exclu, et je m'exprimerai en temps voulu, comme je l'ai fait, et je ne dérogerai pas à ce calendrier, pas par effet rhétorique, mais par respect, y compris de procédure interne. 15 jours, vous 15 jours, pourquoi? D'ici à la fin du mois de septembre, parce qu'à la fin du mois de septembre, c'est le moment où les insoumis auront à se prononcer entre eux sur ce qu'il convient de faire, et je ne veux pas phagocyter ce processus. Mais juste dire une chose, vous savez, depuis le premier jour où je suis parlementaire, on m'a collé cette étiquette de futur candidat à la mairie. En fait, ça correspond aussi à quelque chose qui fait partie finalement des préconçus. C'est-à-dire, on imagine qu'on s'engagerait en politique pour faire carrière, qu'on a tout prévu par avance. Vous savez, moi, et c'est aussi le message que je veux porter. Quelques mois à peine avant d'être candidat, J'avais même pas prévu de l'être, alors que mes adversaires sur la circonscription avaient anticipé de longue date. Maintenant, vous avez un parcours. Oui, mais je veux Francis Letellier, réhabiliter cette idée. C'est que la politique est l'affaire de tous, donc il faut que chacun s'en mêle. Vous pourriez être candidat, mais pas forcément tête de liste, par exemple. Ça pourrait être une idée. On verra tout ça. Je pourrais être tête de liste ou autre chose. En tout cas, à 7h, je ne me prononcerai pas. Par contre, je donne rendez-vous dans quelques jours, d'ici à la fin du mois de septembre. Et juste avec Martine Aubry. Je m'expliquerai sur ce que je vais faire et comment je vais le faire. Vous avez vu, Martine Aubry, elle dit que vous êtes républicain, populaire et de gauche. C'est des points communs que vous avez avec elle, visiblement. Donc vous pouvez parler avec Martine Aubry. Mais vous savez, je vais même aller au-delà de ça. Moi, je peux parler avec beaucoup de gens. On vient de sortir de nos universités. On reçoit même jusqu'à des adversaires politiques pour discuter avec eux. Martine Aubry fait partie du paysage politique national, lillois. On discute. On a rarement eu l'occasion de vrais échanges politiques. Je pense qu'à Lille, en réalité, même s'il y a vraiment des points d'achoppement entre la politique qu'elle mène et ce que nous voudrions faire... je crois surtout qu'il y a une fin de cycle à un moment donné. En 2014, Martine Aubry elle-même disait que ce serait son dernier mandat. Pour plein de raisons, on peut le comprendre. Donc, dont acte. Nous, ce que nous voulons incarner, c'est la possibilité d'une suite, mais surtout de ne pas faire comme nos prédécesseurs au sens large. On a un problème principal, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas continuer à aller de scrutin en scrutin. On va y revenir, mais juste, avec Martine Aubry, donc il faudrait qu'elle laisse sa place. Là, maintenant, il est temps, son temps est passé. Mais écoutez, c'est elle qui l'avait dit. Donc, vous la prenez à son mot. Mais assez simplement, en disant, voilà, ne vous inquiétez pas pour la ville de Lille. On saura quoi faire, et parfois même mieux faire que ce que donc vous avez su faire. Donc, elle laisse la place, c'est ça que ça veut dire. Mais je pense qu'il est temps, en effet. Oui. Alors, on va y revenir sur les municipales tout à l'heure. Mais l'an dernier, Jean-Luc Mélenchon disait aussi, par ailleurs, que... la réforme des retraites serait la mère des batailles. On y est. Le gouvernement annonce une concertation d'un an. La méthode reste à définir. En tant qu'opposant, si vous êtes invité à Matignon pour parler de la réforme des retraites, vous irez ou vous n'irez pas? Mais je ferai ce que j'ai prévu de faire à chaque fois, ce que nous faisons à chaque fois avec la France Insoumise, c'est-à-dire les opposants, mais pas les opposants de principe, les opposants proposants. C'est-à-dire que dans notre opposition, on donne aussi à voir ce que nous ferions à la place de ce gouvernement. Sur les retraites, ce qui est en jeu, c'est quoi? C'est finalement une nouvelle braderie, puisqu'on est dans la week-end de braderie, d'Emmanuel Macron. Les retraites, après la libération, c'est sans doute l'un des acquis sociaux du modèle français le plus important. Et ce modèle par répartition. Ce que fait Emmanuel Macron, c'est avec la vieille maxime, vous savez, selon laquelle, parce qu'on vit plus longtemps, il faudrait travailler plus longtemps, c'est faire en sorte, une nouvelle fois, qu'avec la retraite par points, ce soit le travail sans fin, qu'on rallonge tout le temps la durée du temps de travail. J'attire votre attention sur le fait que, par exemple, si l'on dit qu'on va rester à un budget constant, 14% du PIB, pour les retraites, alors que l'on sait qu'il va y avoir plus de retraites, chacun peut en déduire que, quel que soit le modèle, il va y avoir une baisse des pensions. Mais juste, Adrien Quatennens, termine juste, vous acceptez le dialogue avec le gouvernement. Mais moi, j'accepte le dialogue avec tout le monde, et même y compris quand nous ne sommes pas d'accord. Et je suis absolument certain qu'on peut tout à fait s'expliquer farouchement en politique, voire s'opposer, sans avoir besoin de se lancer la vaisselle. Par ailleurs, les syndicats, eux, annoncent déjà des manifestations. Mais évidemment, vous irez défiler avec eux. Mais bien évidemment que j'en serai. Et je dis d'ailleurs... Vous appellerez les amis. Oui, absolument. Je vais même vous dire même plus. On ne peut pas aborder cette affaire de la réforme des retraites de la même manière qu'ont été abordées les batailles précédentes. Emmanuel Macron n'a pas de majorité, de consentement majoritaire dans ce pays pour faire ce qu'il fait. Par conséquent, l'erreur serait d'y aller en ordre dispersé. Il faut mettre tout le monde d'accord sur ce sujet, parce qu'on n'a pas le temps de faire le détail sur la réforme des retraites, mais par exemple, quand Emmanuel Macron dit « on ne touchera pas à l'âge légal de départ », ce n'est que de la rhétorique, parce que dans le même temps, il va procéder par l'effet de décote à un rallongement de la durée. Vous allez travailler jusqu'à au moins 64 ans, c'est-à-dire, Francis Letellier, jusqu'à plus que l'âge, écoutez-moi, oui, où l'espérance de vie est en bonne santé. Ça veut dire que c'est un modèle dont nous ne voulons pas. Et pour ne pas être dans l'opposition principielle, je pose juste une proposition parmi les dizaines que j'aurai à faire. Nous nous prenons cette idée que si on produit plus vite qu'avant, on doit pouvoir se libérer du temps. Et que le progrès, c'est de se libérer du temps. Pour financer, par exemple, la retraite à 60 ans que nous appelons de nos voeux, il y a parmi toutes les solutions une que je pose sur la table. Dans ce pays, persiste une inégalité entre les salaires des femmes et des hommes que vous savez d'environ 20%. Si on réduisait cette inégalité, eh bien, par le niveau des cotisations qui augmente, vous pouvez financer la retraite à 60 ans. Ça me paraît mieux que de défendre la retraite par capitalisation, comme le fait Emmanuel Macron dans la loi PACTE. Vous êtes par ailleurs en pointe sur le référendum contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Il faut 4 millions. Ça fait beaucoup de sujets en cette rentrée. Hein. Ouais, 4 700 000 signatures. C'est vous qui les mettez à l'ordre du jour aussi. Hein. Pas que nous, le gouvernement. 700 000 ont été récoltés, c'est 15% de l'objectif. Il reste 6 mois. Si vous n'y arrivez pas, ce sera un échec pour tous ceux qui sont contre la privatisation et une réussite pour le gouvernement, non? Avant de dire ça, il faut dire qu'il faut redoubler d'efforts pour les signatures soient collectées. Parce que, pour l'instant, ça va. Oui, mais alors le départ a été bon, vous vous en souvenez. Et ce qui s'est passé, j'ai vu que le gouvernement satisfaisait que pendant l'été, les signatures avaient reflué. Bon, les militants politiques, l'été, ça leur arrive, excusez-les, parfois ils se reposent un peu. Mais là, nous signifions en cette rentrée que toutes et tous, par-delà d'ailleurs nos étiquettes partisanes, Nous allons nous mettre en ordre de bataille pour contribuer largement... Mais ça veut dire quoi, se mettre en ordre de bataille? Ça veut dire qu'il faut créer les conditions dans tout le pays de la contagion. Mais c'est-à-dire... Des militants politiques... Ben, nous tenons partout dans le pays des stands. Vous? Mais on a l'impression que les autres sont plutôt... Non, vous vous trompez. Hier, par exemple, à la braderie de Lille, pour filer la métaphore et suivre cette affaire de la braderie, la plupart des stands des partis politiques faisaient signer pour ce référendum. Francis Letellier, au-delà de tous les sujets sur cette question des aéroports de Paris, bien sûr, il y a la question écologique, il y a la question économique, on se souvient des autoroutes, du précédent de l'aéroport Toulouse-Blagnac, mais la question centrale, c'est la question de la souveraineté populaire. Mmh. Qui décide et pourquoi faire? Donc et vous figurez-vous êtes confiant sur les 4,7 millions de signatures. Mais il y a des gens, vous savez, qui ne sont pas hostiles à la privatisation, comme c'est mon cas, moi je suis hostile à la privatisation, mais qui disent, y compris, que sur cette question, le peuple doit pouvoir décider. C'est une question centrale qui a été mise à jour notamment par les Gilets jaunes. Donc maintenant, tout le monde doit se mettre à la bataille. Alors, et même vous, quand vous organisez un apéritif chez vous avec vos convives, avant de passer à l'apéro, tout le monde devrait passer par l'ordinateur. Voilà. Pour signer. Il faut créer les conditions de la contagion et être audacieux pour les ça. Les réformes, on en a parlé, les élections municipales à venir, les relations entre vous et les écologistes, par exemple, tout est terrain de bataille. Et on va en parler avec Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, qui est avec nous ce midi. Bonjour Cécile, merci Bonjour, de nous retrouver pour cette nouvelle saison. Bien, je suis bien contente. Bonjour Monsieur Quatennens. Bonjour Madame. Vous prenez les rênes de la France insoumise au moment où clairement ça n'est plus le premier parti d'opposition. On avait un acte 1 du quinquennat où il y avait un face-à-face entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Là, le président entame son acte 2 quasiment seul. Il n'y a presque plus personne en face de lui. Comment vous allez redresser la barre? Écoutez, on avait bien évidemment à penser une réorganisation du mouvement. Parce que ce mouvement, il est jeune dans le paysage politique. Nous n'avons jamais que 3 ans, il ne faudrait pas l'oublier. Mais comment marche? Même si on a fait beaucoup de campagnes, même si on a fait des choses tout à fait novatrices dans le paysage. Donc on a été, c'est vrai, souvent... pris de court par le calendrier électoral qui nous occupe toutes et tous, c'est pas nous qui le faisons jusqu'à preuve du contraire, donc il fallait penser à un temps de réorganisation pour finalement ouvrir les portes et les fenêtres et permettre vraiment l'implication des militants jusque dans les moindres ressorts de l'organisation de ce mouvement. C'est une chose qui est, je vais pas dire faite, mais largement en cours et qui va susciter un peu de temps long. Maintenant, dire une chose, comme je disais à l'instant à M. Letellier, vous savez, si nous pensions que nous n'avions pas une singularité dans le paysage politique, un discours singulier, des méthodes particulières, si d'autres que nous faisaient très bien à notre place ce que nous faisons, nous ne nous acharnerions pas. Je crois que toutes les urgences qui ont été mises à jour par notre programme sont encore plus prégnantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en 2017. Mais Jean-Luc Mélenchon s'est mis en retrait, il n'est pas là, même pas à votre université d'été. Alors, mais regardez, Il se met entre parenthèses avant son procès en correctionnel. Jean-Luc Mélenchon avait eu l'occasion de dire, avant même son départ pour le Mexique, d'ailleurs départ que je salue parce que c'est l'occasion pour lui de nous représenter aussi à l'échelle internationale. Vous savez, il y a partout dans le monde, ça intéresse de savoir comment une force comme la France Insoumise est arrivée. Oui, mais attendez, est-ce que c'est si vous demandez, est-ce que c'est une mise en retrait avant son procès en correctionnel? Non, c'est pas lié à ça. Jean-Luc Mélenchon a toujours dit, et depuis un moment, que la France Insoumise ne tenait pas à sa seule personne. Et par une affaire de calendrier, finalement, puisqu'il était prévu qu'il vienne à Toulouse, il nous a proposé, finalement, de boire le verre à moitié plein. En gros, faites-leur la démonstration de ce qu'on raconte depuis déjà longtemps. Mais que la France Insoumise, ce sont des équipes structurées aussi du fait de son travail. Je vous prie de croire que, par exemple, la position qu'est la mienne ou celle de mes collègues, elle est aussi le fait du travail de Jean-Luc Mélenchon. Nous faisons, comme il l'a dit, une belle équipe. Est-ce que l'inverse, c'est pas vrai? Est-ce que lui n'a pas intérêt à montrer qu'il peut faire sans la France Insoumise, tourner la page de la France Insoumise s'il veut être candidat en 2022 pour dépasser le mouvement et construire autre chose? Je ne crois pas qu'il s'agisse de cela. En réalité, personne, évidemment, ni Jean-Luc Mélenchon, ni moi-même, ni personne, même pas vous, ne peut présager aujourd'hui de quel sera le contexte particulier de l'élection de 2022. Moi, j'ai une seule certitude, c'est que malheureusement, le désordre dans notre pays, compte tenu de ce que déploie Emmanuel Macron, va aller croissant. Mais franchement, bien mal inspiré, celui qui pourrait tirer des conclusions sur, y compris, les formes de campagne d'ici en 2022. Avant, il y a les municipales. Voilà. Est-ce qu'on le verra sur des meetings pour soutenir des candidats? Mais sans doute. Mais ce que je vous demande de faire Sans doute, c'est pas sûr. Mais sûrement. Enfin, je veux dire, il y a toutes les raisons qu'il s'implique aussi dans la bataille, comme nous tous. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ces échéances électorales, notamment intermédiaires, puisque chacun aura bien compris que le nœud de l'affaire, compte tenu des grands défis qui se posent à nous, ce n'est pas malheureusement à l'échelle locale. On peut faire beaucoup de choses à l'échelle locale. Vous aurez quoi comme stratégie? Le plus de candidats possible. Alors, l'objectif pour nous est d'aborder cette séquence de manière à faire autre chose que, vous savez, les fameuses listes citoyennes qu'on connaît, c'est-à-dire en gros les accords d'appareil avec quelques citoyens. Ça, tout le monde va faire ça. Vous allez voir dans ces élections municipales un élevage industriel de champignons qu'on va appeler les listes citoyennes. Vous avez fait ça dans le passé. Nous, ce que nous voulons faire, c'est favoriser partout des dynamiques qui permettent, et c'est notre singularité, de faire venir en politique ou revenir en politique celles et ceux qui n'y sont plus. À la France insoumise, nous sommes persuadés d'une chose. La clé de tous nos problèmes, c'est l'implication de la grande masse dans la vie politique. Donc, or aujourd'hui, pas d'alliance, y compris attendez, avec les Verts, j'y viens aux considérations très politiciennes. La clé de l'affaire, c'est que le 1 sur 2 qui ne participent pas y reviennent. Certains ont théorisé, y compris à gauche, qu'il fallait plus s'occuper d'abstentionnistes, qu'il fallait avoir un discours que pour ceux qui sont déjà mobilisés. Ça n'est pas notre avis. Et nous disons à toutes celles et ceux, moyennant quelques conditions programmatiques sur lesquelles on peut s'entendre, qui sont prêts quelque part à se mettre de côté pour favoriser l'implication des citoyens eux-mêmes. Enfin, retenez bien que dans mais nos groupes parlementaires... Mais les têtes de liste, ce seront des France Insoumise. Mais ça dépendra des configurations. Les Insoumis vont se réunir à la fin du mois de septembre pour faire un diagnostic dans toutes les communes d'implantation où nous pourrions aller, pour savoir ce qu'il conviendra de faire. Il y a des endroits où il y aura des listes qui seront des listes purement de la France Insoumise. Il y a des endroits où il y aura sûrement des discussions avec d'autres. Mais Cécile, est-ce que votre stratégie, c'est d'avoir le plus d'élus possible ? Notre stratégie est d'abord et avant tout de faire en sorte, partout où c'est possible dans le pays, de favoriser ces dynamiques d'implication citoyenne. Oui, mais d'avoir des élus aussi. Mais évidemment, et de gagner des mairies, Francis Le Tellier. Ah, d'accord, vous avez des objectifs précis. Mais les municipales, vous avez des villes en ligne de mire. Mais les municipales, écoutez-moi, on a des villes en ligne de mire parce qu'il y a des villes où nous sommes particulièrement bien implantés. Lesquelles ? Là, on fait des bons scores. Mais vous les connaissez. Non. C'est les villes de la présidentielle où on a fait de très bons scores, y compris législatives. Bien, je pense par exemple à Lille, à Marseille, à Toulouse, à d'autres. Il y en a. Et on vous les donnera à voir à des villes intermédiaires, dans la métropole lilloise, par exemple à Roubaix. Il y en a plein, on en discutera. Mais si vous voulez, je crois que tout le monde dans le paysage politique ferait une erreur. S'il s'agit une nouvelle fois d'aller, comme à chaque fois, avec les mêmes costumes, les mêmes petites habitudes Cécile. Dans les scrutins, entendez bien Attends, ça. On va laisser le problème, poser une c'est question. L'implication Cécile. Du peuple dans la vie politique. Cécile. Yannick Jadot est un peu l'homme qui monte en ce moment en politique. Est-ce qu'il y aura des accords avec les Verts ? La France insoumise est disposée à discuter avec toutes celles et ceux qui disent qu'on doit régler le défi climatique et que le régler est incompatible avec le fait de faire perdurer ce modèle économique. Donc, de ce point de vue, vous remarquerez qu'au sein d'Europe Écologie Les Verts, tout le monde ne raconte pas la même chose. Par exemple, dernièrement, les propos de M. David Cormann dans certaines interviews qu'il a données cet été me paraissent beaucoup plus limpides du point de vue diagnostique et des solutions que parfois des propos gauche, plus confus. C'est pas une question de... En même temps, il y a un parallélisme Cécile qu'on Cornudet. Peut faire entre Mélenchon première période et Yannick Jadot. Non, mais vous trouvez Cécile pas Cornudet. Il veut être en tête du rassemblement et il se revendique pas de gauche. Comment vous voyez vous dites, son ascension? Vous dites plus à gauche. Mais voyez, je pense que même ça, moi je vous invite ça. Si vous pouviez sortir de ce plateau en écrasant le vieux logiciel et en essayant d'installer celui que je vous suggère. Je crois que dans le moment, il ne s'agit même pas de nous ranger dans des cases, en réalité. Mais il y a un discours clair d'intérêt général à avoir. Et s'il y avait un camp dans lequel nous ranger, c'est celui de l'intérêt général. Vous êtes disposé à parler avec Europe Écologie Les Verts, je suis disposé, bien au-delà d'Europe Écologie Les Verts, mais aussi avec eux. Mais pas pour faire, entendez-moi, pas pour faire des accords d'appareil à l'ancienne. Si on fait ça, on est cuit. Le paysage politique nécessite que les gens une s'impliquent dernière question directement. De Cécile. Ça, c'est sans doute malgré vous. Vous avez fait votre entrée politique avec une polémique interne au sein de la France insoumise. Le philosophe Henri Peña-Ruiz a revendiqué le fait qu'on pouvait exister un droit à l'islamophobie, comme il existe, dit-il, un droit à l'athéophobie. Est-ce que vous condamnez tout simplement ce propos? Rapidement. Ce que je veux vous dire, c'est que clairement, cette polémique stérile, il serait temps qu'elle cesse. Mmh. D'abord, dire une chose, c'est en que la France insoumise, comme Henri Peña-Ruiz, sont insoupçonnables en matière d'antiracisme, d'accord? Précisément, une phrase a été isolée d'une conférence mais est-ce pour que faire vous condamnez dire, attendez, ces propos? Non, parce que on lui a fait dire le contraire de ce qu'il a voulu dire. Par contre, je comprends que dès lors que cette manipulation a été faite, qu'on ait isolé une phrase de son contexte et de l'explication, il dit précisément l'inverse, en disant on ne peut pas s'attaquer à des personnes pour la raison de leur religion. L'électorat a été troublé. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que pour plein de gens dans ce pays, le terme islamophobie veut dire s'en prendre aux musulmans. Or, nous disons exactement l'inverse, c'est qu'il est impossible de s'en prendre donc, aux musulmans. Donc, et donc, je comprends que l'usage du terme isolé de son explication, où il explique lui-même l'inverse. Mais vous ne condamnez pas. Mais je ne condamne pas ses propos dans la mesure où son explication n'est pas discutable. En revanche, je comprends que la manipulation qui a consisté à isoler cette phrase, son discours, ait pu heurter. Et je vais vous dire une chose surtout, le combat antiraciste et le combat laïque et républicain sont intimement liés et à la France insoumise, nous sommes insoupçonnables sur ce sujet. Merci Cécile d'être venue sur le plateau de Dimanche en Politique. La dernière question inattendue de Yann Algan, l'un des co-auteurs de Les origines du populisme qui vient de sortir. Écoutez ce qu'il vous demande. Bonjour Monsieur Quatennens. Dans les origines du populisme, nous menons une enquête inédite sur les valeurs des électorats des forces anti-système en France, en Europe et aux États-Unis. Nous trouvons deux résultats principaux. Le premier est que les électorats de la France insoumise et du Rassemblement national ont en commun une profonde défiance vis-à-vis des institutions. Le second est qu'en revanche, ces deux électorats s'opposent radicalement sur les valeurs. L'électorat du Rassemblement national étant beaucoup plus méfiant vis-à-vis des autres, des immigrés ou de toute politique redistributive. Notre conclusion et que cette opposition sur les valeurs rend impossible toute coalition entre le Rassemblement national et la France insoumise. Partagez-vous cette conclusion ? Voilà. Mais c'est oui, évident qu'il y a, il y a une impossibilité, une incompatibilité nette. Nous sommes dans l'histoire avec un grand H comme dans l'histoire récente. Les adversaires résolus du Front National. Donc souvent le terme de populisme, c'est un mot valise pour nous coller une étiquette qui en fait veut dire démagogie. Non, nous sommes des républicains et donc le peuple est seul souverain. Voilà ce que nous voulons. C'est clair. Merci Adrien Quatennens d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Politique. Retraite. Le gouvernement nous ment. On vit plus vieux, donc ce serait une évidence de travailler plus longtemps. Mais ça veut dire plus de stress, de pénibilité et encore un patron sur le dos. Vivre en bonne santé après avoir travaillé toute sa vie, c'est pas gagné. L'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans pour les femmes et 62 ans pour les hommes. Soit à peu près l'âge de départ à la retraite. On marche sur la tête. On nous dit encore que l'augmentation du nombre de retraités obligerait à travailler plus. C'est faux. En réalité, le patronat ne veut pas mettre un euro de plus dans les caisses de retraite. Alors que les profits explosent. Leur projet, c'est quoi ? En 2016, François Fillon présentait ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose. Qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Quoi ? Nous, au syndicat solidaire, qu'est-ce qu'on veut ? La justice sociale. Après une vie au travail, on veut partir à 60 ans à taux plein et à 55 ans pour les métiers pénibles. Et on ne veut pas de retraite inférieure au SMIC. La solidarité intergénérationnelle. Pour que les jeunes puissent entrer dans le monde du travail, il faut que les salariés partent plus tôt à la retraite. Réduisons le temps de travail et partageons les richesses. Ça fera plus de cotisations, plus de temps libre et les retraites seront financées. L'égalité femmes-hommes. L'égalité salariale est loin d'être réalisée. Il faut corriger les inégalités au moment de la retraite. Quels que soient les parcours, temps partiel, CDD, chômage, tout le monde a le droit à une pension qui permet de vivre dignement. Discutez autour de vous, allez à la rencontre de nos syndicats. Plus d'infos sur solidaire.org. Agissons. Oh. Alors, sur le grill. Alors, il va falloir pour l'énerver. On va revenir sur votre engagement politique. En 2007, vous avez soutenu Ségolène Royal. De 2012 à 2017, Mélenchon. En 2018, les Gilets jaunes. Finalement, vous n'êtes jamais du côté des gagnants. Ça, c'est... Vous savez, en Bretagne, le verbe réussir, en breton, le verbe réussir n'existe pas. C'est vrai. Par contre, en chier, ça existe. Revenir sur le métier, ça existe. S'améliorer, l'opiniâtreté, etc. Mais le verbe réussir n'existe pas dans la langue bretonne. Et j'en suis super fier. C'est incroyable. À propos des Gilets jaunes, je vous ai beaucoup écouté dans vos déclarations. Vous parlez d'intelligence de cœur, de fraternité. Est-ce que vous n'auriez pas oublié au passage les violences qu'ont commises les Gilets jaunes? 23 éborgnés, quelques amputés, là, vous parlez quelques mamies poussées dans le caniveau, des fractures, des pouces arrachés, ouais, la violence des forces de l'ordre, ouais. Juste terminer. La violence des forces de l'ordre en roue libre. En roue libre. Cet État ne tient plus que par sa police. Voilà. Le commerce en feu. La violence des Gilets jaunes. Oui, la violence des Gilets jaunes, des vitrines brisées, oui. L'arc de triomphe. Des vitrines brisées, oui, l'arc de triomphe, ouais. Ça, vous le justifiez? Ça se justifie dans c'est la lutte? C'est intolérable. Les policiers blessés. C'est intolérable. C'est intolérable. Comme les armes de guerre utilisées par les forces de l'ordre sont intolérables. Les GLI F4, vous avez des... Attendez. La dernière manifestation, Thierry, que vous avez faite, c'est quand? J'étais jeune. Voilà. Allez manifester aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Et puis on en reparle. Aujourd'hui, la croissance repart, le chômage baisse, Toyota embauche 500 personnes dans Valenciennois. Finalement, le macronisme, ça marche? Si vous le dites, je vous crois. Non, mais est-ce que... Alors, allons plus loin. Est-ce que ça veut dire que finalement, tout n'est pas acheté dans le macronisme? Parce que vous êtes très remonté contre le président de la République actuel. Vous traitez de Kennedy de Maubeuge. Kennedy de Maubeuge. Ouais. Pourquoi Maubeuge? J'adore Maubeuge. Ah oui, mais c'est Maubeuge. J'adore Maubeuge. Alors voilà. Non, mais Macron ou un autre. Monsieur Macron. Monsieur le Président a des atouts, il est jeune, il est bilingue, il présente bien, il a une femme sympathique, et puis il s'y colle quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même faut y aller au G7, se retrouver en train de manger des huîtres avec Trump, enfin, c'est pas une sinécure, quoi. Il fait le job de ce côté-là, il fait le job. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Compte tenu de l'urgence climatique, toutes les décisions qui doivent être prises à partir de maintenant doivent être prises avec cette menace qui pèse sur l'environnement. Et pour moi, le prochain président devra faire sienne cette méthode. Il faut sauver la planète. Absolument. Je veux dire, si vous avez des enfants, on en a tous ici. Moi, j'ai envie qu'ils continuent à aller à la mer, qu'ils puissent se baigner sans avaler une bouteille de Contrex. J'ai envie qu'ils puissent continuer à faire des randonnées en montagne, etc. Donc, toute décision maintenant qui doit être prise en fonction de la préservation du climat. Une dernière question courte. Vous êtes très dur avec votre collègue artiste que vous reprochez de ne pas avoir embrassé les gilets jaunes. Enfoirés. Non. Et pour vous, les enfoirés sont vraiment des enfoirés? Non, c'est faux. Si, vous l'avez dit dans une interview dans laquelle vous dites je suis déçu, j'ai même honte pour mes amis artistes qui ne se sont pas engagés et qui n'ont pas dit pas le soir dur, des ça. Enfoirés, je suis pour c'est les pas être dur, ça. C'est pas... Je veux dire... qu'est-ce que vous croyez, Thierry? Aujourd'hui, l'ultralibéralisme, il est partout, y compris dans le monde du spectacle et des médias. C'est pour ça que les artistes ne s'engagent plus, Mais évidemment, vous voulez tenir votre place. Ferme ta grande bouche. Et là, tu vas continuer à travailler. Ah, mais moi, c'est pas possible. Je veux dire, moi, mon père, il m'a donné des valeurs. On allait à la fête de l'UMA. On devait toujours tendre la main à ceux qui étaient dans une position délicate. On devait toujours sourire à l'étranger, l'accueillir, lui dire « Salam alaikum, bienvenue en France. Je suis heureux que tu sois français, que tu puisses bénéficier de nos droits et que tu sois protégé par la République. » Donc, moi, je ne peux pas... Ne pas être engagé. Au moment où je vais partir, au moment où ça sera fini... Je

Elles constituent des dispositifs imitant ou remplaçant l'être humain. Les IA sont déjà présentes assez discrètement dans notre quotidien, principalement sur Internet, par exemple quand nous faisons des traductions, ou quand Facebook nous affiche des publicités, mais aussi dans les prouesses techniques des jeux vidéo ou dans la domotique, avec Alexa, l'assistant virtuel à tout faire, créé et vendu par Amazon. L'intelligence artificielle s'est aussi illustrée dans les arts, que ce soit en peinture, en créant un magnifique tableau dans le style de Rembrandt, ou en musique artificielle avec un tout nouveau morceau des Beatles. Revenons un peu en arrière pour découvrir l'origine de cette technologie. Vous avez sûrement déjà entendu parler du test de Turing. C'est un test inventé par Alan Turing en 1950 qui avait pour objectif de simuler une conversation humaine entre un ordinateur et deux personnes. Si la personne qui passait le test était incapable de déterminer lequel de ses deux interlocuteurs est un ordinateur, alors c'était un succès pour la machine de Turing. Ce qui est intéressant, c'est que Alan Turing a imaginé ce test pour répondre à une question existentielle. Une machine peut-elle penser ? Ce n'est que quelques années plus tard que le domaine scientifique d'intelligence artificielle est né lors d'une conférence au Dartmouth College. Par la suite, d'autres universités se sont penchées sur le sujet, notamment Stanford ou le MIT. Plus tard, des prototypes ont vu le jour, tels que ELISA, le tout premier chatbot de l'histoire. ELISA était un programme informatique dont le but était de simuler une psychothérapeute et qui pouvait habilement reformuler les affirmations des humains qui lui posaient des questions. À s'y méprendre, on pourrait croire à une vraie conversation. Je suis malheureux. Pensez-vous que me parler vous aidera à ne plus être malheureux ? Cela peut paraître ridicule pour nous, mais à cette époque, ELISA a marqué les esprits. Certains des utilisateurs pensaient qu'ELISA était vraiment capable de les comprendre et qu'elle était douée d'intention. Du coup, certains ont eu l'impression de parler à un véritable être humain. Les scientifiques, surpris, décidèrent d'appeler ça l'effet ELISA. Bien des années plus tard, l'intelligence artificielle s'illustre encore mais dans un tout autre domaine, les échecs. En 1997, un ordinateur développé par la société IBM, Deep Blue, bat le meilleur joueur d'échecs, Garry Kasparov. Coup dur pour ce dernier qui avait un jour déclaré « L'ordinateur ne sera jamais plus fort que l'homme ». Deep Blue possède un avantage crucial. Il connaît de mémoire des centaines de milliers de parties des plus grands joueurs de l'histoire. À chaque coup, son processeur lui permet de faire des millions d'opérations pour trouver la meilleure stratégie. Presque 20 ans plus tard, en 2016, AlphaGo, une intelligence artificielle de Google, gagne contre le numéro 3 mondial du jeu de Go, Lee Sedol. La rencontre fut éprouvante. Les deux champions reconnaîtront que les machines ont indéniablement des avantages psychologiques sur l'humain. Elles ne se déconcentrent pas, ne connaissent pas la pression et sont d'humeur égale. Bon, jusque-là, on a surtout parlé des intelligences artificielles qui visent à se rapprocher de notre intelligence et de notre pensée. Mais l'intelligence artificielle intervient ailleurs. Dans l'automobile, avec par exemple les voitures connectées, mais nous en parlerons dans un autre épisode, ou dans la santé, où elles arrivent à émettre des diagnostics pertinents sur des patients, ou dans la robotique, qui elle aussi déclenche tous les fantasmes. En 2000, l'entreprise Honda sort un tout nouveau robot impressionnant doté d'une intelligence artificielle, Hashimo. Sa fonction star, la marche intelligente. Depuis, ses fonctionnalités n'ont cessé d'augmenter. Aujourd'hui, il court, parle en langage des signes, sautille, et surtout, il peut reconnaître des visages et des voix. Il est considéré comme l'un des robots les plus perfectionnés au monde. Du coup, on voit bien deux tendances qui se dessinent dans l'intelligence artificielle. Dans certains domaines, elle nous dépasse, et ça fait peur. Ailleurs, elle nous ressemble, et ça fait peur aussi. Certains transhumanistes affirment que dans les prochaines décennies, nous connaîtrons la singularité, un point de convergence où la machine dépassera l'homme. D'autres affirment que ça ne sera jamais possible. Mais tous sont d'accord sur un point, il faudra avancer de manière très réfléchie. Car si la plupart des IA sont programmées par l'homme, d'autres peuvent être entièrement autonomes. C'est ce qui est arrivé en 2016. Microsoft se lance dans un projet aussi inédit que louable. Mettre sur Twitter une intelligence artificielle neutre, qui évoluera avec les internautes. Mais rapidement, ce projet bien intentionné tourne au cauchemar. Des trolls et des adeptes du chaos détournent l'intelligence artificielle et la rendent anti-féministe et même complètement raciste. Catastrophée, les ingénieurs de Microsoft sont obligés de la retirer de Twitter. Jay aura vécu quelques heures à peine. Paix à son âme. Et à ses lignes de code. L'expérience peut faire sourire, mais elle fait surtout réfléchir. Les IA les plus sophistiquées aujourd'hui apprennent toutes seules. Et parfois, les chercheurs ont du mal à comprendre comment leurs bêtes font pour apprendre aussi vite. Espérons juste qu'elles ne s'inspirent pas de nous, parce que ça risquerait de faire des dégâts. Comme les intelligences artificielles ne vont pas le faire pour toi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, et à commenter pour nous donner ton avis ou poser des questions. A plus dans le futur.

en s'abattant. Monsieur le Président Didier Migaud, les amis de l'État que sont les Insoumis et ses admirateurs ne peuvent que saluer votre présence avec, dans cet hémicycle en se souvenant que cette année, cela fait 5 siècles que la Chambre des comptes existe, puisqu'elle a été créée en 1319 sous le roi Jean le Bon pour régler des désordres qui, n'ayant pas été réglés, ont ensuite donné lieu en 1358 à la grande jacquerie et la révolte d'Étienne Marcel, qui sont les préliminaires, en quelque sorte, ou la préfiguration de la grande révolution de 89 pour des raisons d'impôts, ou du mouvement des Gilets jaunes, cette année encore pour des raisons de taxes et d'impôts. Vous vous souviendrez que les Jacques portent le nom de Jacques parce que c'est le nom du gilet que portaient les paysans à l'époque. Par conséquent, on vous voit venir avec beaucoup de faveur, quoi qu'il nous ait semblé parfois que si en effet vous êtes indépendant, 1467, le roi Louis XI décide que vous êtes inamovible, qu'on ne peut pas changer vos carrières et que sauf forfaiture, vous êtes là pour la vie entière. Napoléon avalise le tout et vous voici, monsieur le président, après qu'on ait encore essayé en 2012 de vous contourner en créant du fait de l'article 3 du TSCG, en rapport avec le Tupac, le SIGPAX et autres inventions de ce lointain héritier du Saint-Empire romain germanique qu'est l'Union européenne, essayer de créer une chambre de plus pour contrôler les comptes publics et vérifier leur adéquation avec les directives européennes. Et fort heureusement, le Saint-Empire romain germanique s'est brisé sur la vieille institution française. Vous êtes à la fois la Cour des comptes et l'institut prévu par l'Europe. Tant mieux, l'Europe n'a pas eu raison de vous. Une fois de plus, votre rapport, je l'ai trouvé, cette fois-ci, je vais vous le dire avec franchise, moins caricaturalement libéral que j'ai trouvé d'autres prestations de la Cour des comptes dans le passé. Et par conséquent, j'ai été très agréablement surpris par ce que je lisais. J'ai entendu à cette tribune une nouvelle fois reprendre les antiennes sur le contrôle de la dépense publique. Tout ça est extrêmement amusant et distrayant, je dois le dire, parce que quoi que ce soit extrêmement répétitif, parce que ça fait quand même des années que ça dure, qu'on accuse l'État de mal dépenser, de dépenser excessivement, et ainsi de suite, sans que personne ne reste un seul instant à aller regarder comment il se fait que l'État est toujours en déficit, pas seulement à cause de ses dépenses, mais j'ose le dire, à cause de ses recettes. Parce que ça fait 3 décennies qu'on appauvrit systématiquement, méthodiquement l'État. On l'appauvrit pour favoriser certaines catégories sociales de ce pays. Et d'ailleurs, à nouveau, cette année, le déficit de l'État augmente de 9 milliards, mais cette année, nous avons encore fait cadeau 16 milliards aux plus riches de ce pays, sous le régime de la flat tax, de l'impôt sur la fortune, des niches ci et des niches là, bref. Si nous taxions comme on devrait taxer, c'est-à-dire si ceux qui ont beaucoup donné la modeste part qu'on ose leur prendre, eh bien, il n'y aurait pas eu de déficit de l'État cette année. Notez que vous auriez pu noter dans votre rapport aussi, monsieur le Premier Président, quoique j'ai vu que vous avez vu dans cette direction, vous avez regardé dans cette direction, que les 9 milliards qu'il manque cette année correspondent au solde de ce que la France donne à l'Union européenne après qu'elle ait récupéré par la politique agricole commune et le reste. Il reste encore 9 milliards dans les caisses de l'Union européenne. Pour un pays dont on ne cesse de dire qu'il est en déficit, qu'il est dans la misère, qu'il est temps pour lui de cesser de dépenser inconsidérément, admettez que 9 milliards donnés au titre de l'Union européenne, c'est une dépense ostentatoire qui est au-dessus de nos moyens. Bref, ma première conclusion, que je trouve validée par ce que j'ai lu dans votre rapport, c'est que 2 choses nous coûtent horriblement cher et trop cher. Premièrement, les riches. Deuxièmement, l'Union européenne. Ensuite, les politiques qui s'en suivent, c'est qu'on nous dira encore une fois que la dette publique ceci, encore une fois la dette publique cela. Personne ne s'intéresse à ce que contient la dette. Est-ce que c'est de l'investissement ou pas? Une chose est sûre, c'est que la dette de temps long en France, elle tombe pas du ciel et elle tombe pas d'abus de dépenses de la France. L'unification allemande a coûté à notre pays plus de 100 milliards à l'époque. Parce que pour suivre les taux d'intérêt que donnait la Banque centrale allemande, les Français ont dû courir derrière, alors qu'ils n'avaient aucune raison de courir derrière à des taux pareils. Bref, en attendant, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas la dette publique qui est la principale source d'anxiété pour l'économie mondiale à cette heure. À cette heure, ce qui est la source numéro 1 d'inquiétude, c'est la dette privée. Elle représente 189 000 milliards de dollars au niveau mondial. Les deux tiers sont d'origine privée. Les deux tiers du total de la dette mondiale sont d'origine privée. Et de cela, personne ne parle. Or, la dette privée est infiniment plus sensible pour les États que n'importe quelle autre dette. Parce que quand un État est là, eh ben, il est là et c'est pour toujours. Et on trouve toujours le moyen de lui courir derrière pour obtenir le remboursement des emprunts qu'il a fait. On a vu que même l'emprunt russe a été remboursé. Tandis que quand un acteur privé fait faillite, eh ben, il fait faillite, au revoir, et tout le monde a perdu. Par conséquent, elle est préoccupante. Et les remèdes qui sont appliqués pour la dette publique, pour diminuer les dépenses des États, ont fait la démonstration ample de leur inefficacité absolue. On a appliqué un remède de cheval à la Grèce, pendant maintenant que nous en sommes à la 9e, 8e année, avant qu'il retourne sur les marchés financiers. Quel concert de louanges! La Grèce est de retour sur les marchés financiers, quelle joie! Entre-temps, la dette publique grecque s'est accrue de manière considérable, puisqu'elle est passée de 146% du PIB en 2010, quand la crise a éclaté, à 178% depuis. Autrement dit, tout cela n'a servi strictement à rien, sinon à faire souffrir abominablement les Grecs, comme chacun le sait, et faire peur à tout le reste de l'Europe. Alors, je dirais qu'il y a là quelque chose que la Cour pourrait relever à propos de notre dette publique. Par un tour de magie budgétaire et comptable, comme il en existe des dizaines qui passent au-dessus de la tête du commun des mortels, il faut savoir que la Banque centrale et l'Europe, qui n'a jamais un centime pour qui que ce soit de dépenses publiques, a quand même balancé pendant un an entier 85 milliards tous les mois gratis pro deo à toutes les banques privées qui le leur demandaient. Et tout ça a représenté au total une somme considérable de 2600 milliards d'euros qui ont été donnés sans contrepartie aux banques privées, et comme le résultat est qu'il n'y a pas eu un seul point d'inflation justifié par une injection aussi massive de signes, cela signifie que la totalité de cet argent est partie dans la sphère financière sans que personne n'en ait vu trace dans l'économie réelle. En attendant, par ce tour de passe-passe, parce que c'est la Banque centrale rachète aux banques privées des titres de dette des États, la Banque centrale française possède, par la BCE, 417 milliards d'euros de dette publique française. Autrement dit, 18% de notre dette publique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais cela montre une chose, c'est que le mécanisme de la transformation en dette perpétuelle sans intérêt, dette perpétuelle, c'est possible, sans intérêt, c'est possible, puisqu'actuellement, la Banque centrale allemande prête à des taux négatifs. Alors, moi, je parle simplement de maintenir, de stabiliser la valeur du titre qui permettrait aux établissements qui en posséderaient dans leur bilan de ne pas perdre sur eux. Donc ces chiffres-là montrent que c'est possible. Pour nous, ça ferait tomber le niveau de la dette française de 99% du PIB à 80%. Personnellement, je m'en contrefiche, je vous le dis clairement, parce que j'estime que pour l'évaluation de la dépense publique, la dette française représente non pas 99% du PIB d'une année, calcul absolument stupide. Elle représente, compte tenu de l'étalement de cette dette, les titres ont une valeur moyenne de 7 ans, à peine 12% de ce que nous produisons dans une année. Essayez, monsieur le président Didier Migaud, de vous appliquer à vous-même le report sur votre revenu annuel de la totalité de vos dettes si vous avez acheté une voiture ou votre logement. Eh bien, je crois qu'on peut appeler le SAMU tout de suite pour vous tirer d'affaire, car vous seriez bien mal. Mais pourtant, c'est ce qu'on demande à l'État français. Tout ça est absurde, c'est une comptabilité qui n'a pas de sens. Alors, maintenant j'en viens, hélas, il me reste si peu de temps, aux critiques que je veux approuver, monsieur Migaud, parce que c'est absolument extraordinaire de retrouver des propos insoumis dans la bouche de la Cour des comptes, lorsque, par exemple, vous qualifiez le Fonds pour l'innovation et l'industrie de mécanique budgétaire complexe et injustifiée, le fameux compte pour l'innovation, et que vous ajoutez ce dispositif de soutien à l'innovation devrait trouver sa place dans le budget général, vous l'avez répété à cette tribune. Vous avez ajouté: ce montage a conduit à des opérations inutilement compliquées, en partie pour afficher une dotation de 10 milliards. Ah ah, vous les accusez donc de faire de la communication, finançant une innovation de rupture, alors que, en pratique, dites-vous, monsieur le président, et pourquoi en douterions-nous, sur ces 10 milliards, à peine 250 millions lui seront effectivement consacrés annuellement. Je m'étonne qu'on n'ait pas entendu la majorité protester, vous montrer du doigt, comme ils le font, et avec les mots avec qu'ils utilisent contre nous. La création de ce fonds répond donc exclusivement à un objectif de communication. Vous soulignez d'ailleurs que les recettes qui seront tirées par ce fonds lorsqu'il sera placé sont inférieures à ce que rapportent les mêmes établissements avant d'être privatisés en termes de rendement total puisque ce sera 19% si on reste aujourd'hui 13%, alors que ce sera à peine du 2,5% après la magique opération réalisée par La République En Marche. Enfin, je suis obligé donc de conclure, hélas, parce que de choses que je voudrais vous dire, dont j'approuve de les retrouver dans le rapport de la Cour des comptes. Il est intéressant de savoir que vous dites vous-même, Monsieur le Président, que le CICE n'a eu d'impact de court terme sur l'investissement, la recherche et développement ou les exportations, qu'il a probablement eu un effet positif, vous n'en avez pas l'air très sûr, mais modéré sur l'emploi. Autrement dit, tout ça n'a servi à rien, c'est une gabegie d'argent qui a été donnée aux plus puissants pour un résultat égal à zéro. Et qui le dit, non pas Mélenchon et les insoumis, ces enragés, mais monsieur le modéré président Didier Migaud, président de la Cour des comptes, homme raisonnable s'il en est un, dans ce pays. Le président permettra de séance, lui. Sans doute que j'ai noté aussi que la plupart des niches fiscales auxquelles vous faites référence, vous dites, eh ben, on y est absolument approuvé qu'elles aient servi à quoi que ce soit, et vous en citez plusieurs en disant, elles augmentent sans cesse, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Mais ça s'appelle de la dépense fiscale. Quand nous parlons de cadeaux, là, ça s'appelle dépense fiscale. Tout ça représente des sommes qui, encore une fois, ne permettent que de conclure une chose, ce sont les riches et les technocrates qui coûtent horriblement cher à ce pays. Merci, Monsieur le Président. Madame Bétou avait promis, Madame Bétou avait de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais ce ne peut pas manquer grâce à nos canonniers dans ce lac. Vive le son, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son du canon. Que réclamant républicain, que réclamant républicain, l'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain. Plus des pauvres chez nous, plus de riches chez vous, dansons la carmagnole, vive le son, vive le son, dansons la carmagnole, vive le son. Et la revue de presse, il a oublié la revue de presse. Eh ben non. Environnement, justice, l'arrêté anti-pesticide du maire de Langouette suspendu. C'était le mercredi 28 août 2019, Vosges matin, dans la rubrique France-Monde. Le maire de la commune bretonne fait appel à la décision du juge des référés. Daniel QF invite les maires ruraux à prendre un arrêté similaire au sien pour faire bouger les lignes. Un projet de réglementation est à l'étude, assure l'exécutif. Voilà un maire courageux. Bravo. Merci. Un intérimaire perd la vie dans un accident du travail. Un intérimaire de 60 ans, qui travaillait pour le compte de l'entreprise Rémy Houillon TP, a perdu la vie tôt ce matin, ce mercredi matin. l'homme s'est retrouvé écrasé entre deux camions alors qu'il prenait son poste. Ça s'est passé à Archette. C'est Vosges Matin du jeudi 29 août 2019. Accident du travail. Eh oui, accident du travail. Il y a des chômeurs et puis il y a des accidents du travail. Tout ça, ça ne va pas ensemble, bien sûr. Non, ça n'a aucun rapport. Enfin, peut-être que si quand même, si on cherche bien. Santé, alimentation. Nos adolescents mangent de plus en plus mal et trop. Eh oui, l'obésité, comme aux USA, guette notre population. Et notre jeunesse, notamment. Vosges Justice, Claudie Pruvost sera jugée pour prise illégale d'intérêt. Après 3 ans d'enquête, la justice a décidé de poursuivre la conseillère départementale vitelloise. Elle devra répondre de prise illégale d'intérêt à la suite de sa présidence à la commission locale de l'eau. Ah, eh oui, il y a des élus qui sont exemplaires et puis il y en a d'autres pas du tout. Pas du tout. Alors, Allemagne, élection régionale, l'extrême droite perce mais ne gagne pas. Ah oui, on se rassure. Eh bien, déjà en 1934, les Français, les Allemands, les autres se rassuraient. En 1932, Hitler n'avait fait que 24% des voix. Ah oui, que 24%. Oh, ben, ils étaient rassurés. Hein, ouais. Sauf qu'il y a eu de l'agitation dans le pays, hein, faite par les nazis. Et puis, il a fallu organiser des élections, des nouvelles élections. Et cette fois-là, eh bien, Hitler, il a fait 42%. Et suivant la loi allemande, la constitution allemande de l'époque, il était non pas le parti majoritaire, mais il était le premier parti, celui qui avait le plus de voix, qui était, le parti qui était en tête. Alors, eh bien, le bon vieux maréchal Hindenburg lui a remis les clés du pouvoir. Oh, pas pour longtemps, juste 12 ans. 12 ans, le temps de faire une guerre mondiale. Et entre 60 et 70 millions de morts, parce qu'on ne sait pas le chiffre exact, ou alors ceux qui le savent ne veulent pas vraiment nous le dire. L'extrême droite perce, mais ne gagne pas. Voilà. La forte poussée de l'extrême droite lors de 2 élections régionales en ex-RDA met en danger la fragile coalition d'Angela Merkel. Eh oui, l'Allemagne qui était un modèle sur le plan de l'emploi, de l'activité économique, etc. On nous en a raconté. Eh ben, ça va pas si bien que ça. Si l'extrême droite monte, c'est que les gens sont vraiment fâchés contre tous les autres partis politiques. Et oui, ils ont tout essayé, et alors ils veulent essayer ça. Oui, ben, il ferait bien d'ouvrir un livre d'histoire avant de voter de ce côté-là quand même, les gens. Et oui, les gens. Le droit de vote, ça devrait... pour avoir le droit de conduire un véhicule automobile sur la route, eh bien, il faut un permis de conduire. Il faut passer un examen. Et oui, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ouais. Et puis, ben, pour utiliser un fusil de chasse dans la forêt, à l'époque d'ouverture de la chasse, il faut aussi un permis. Il faut passer un petit examen. Ouais. Par contre, pour avoir le droit de vote, eh bien, il n'y a pas d'examen. N'importe qui peut voter, et oui. Alors que avec un bulletin de vote, on peut tuer beaucoup plus de monde qu'avec un fusil de chasse ou une voiture automobile. La preuve, c'est le vote des Allemands en 1933. Quand ils ont voté pour Hitler, ils ont voté pour la guerre mondiale. Ils ne le savaient pas vraiment à cette époque-là. Certains ne le savaient pas du tout, ne s'en doutaient pas. Ils pensaient qu'ils votaient contre le chômage, contre la misère. Eh ben oui, ils votaient pour la guerre. Les gens. Alors les gens, ben, c'est ni vous ni moi, bien sûr. Ce sont les autres. Hein? Ah oui, bien sûr. Épinal, santé, hôpital, les urgences font lever les directeurs en pleine nuit. Lundi 2 septembre 2019, en grève depuis plusieurs mois et n'ayant pas reçu de nouvelles assignations avant le 1er septembre, le personnel du service des urgences de l'hôpital d'Épinal a débrayé samedi à minuit, forçant le directeur à venir signer de nouvelles réquisitions. Ils ont réveillé le directeur en pleine nuit pour lui faire signer des papiers. Vous rendez compte un peu les grévistes? Oh là là là là là. Eh, ils dormaient pas eux, ils travaillaient à cette heure-là. Et le directeur, lui, il dormait. Ah, ils sont allés le réveiller. Oh, c'est méchant, ça. Hein? Ah oui, c'est méchant. Et puis, peut-être que c'est injuste aussi. Parce que lui, il est bien payé pour pas faire grand-chose. Et puis, eux, ils sont mal payés pour faire tout le travail. Et ils sont obligés de se mettre en grève pour obtenir une amélioration des choses. Oh, quand même. Hein? Réveiller un directeur en pleine nuit. Oh, vous feriez pas ça, vous, hein? Ah ben non, moi non plus, enfin ça dépend, faut voir. Gérard May, une lettre retrouvée sous un parquet mène jusqu'à Munich. Alors au hasard de travaux de rénovation dans un appartement de Gérard May, une lettre écrite en 1944 par un officier allemand a été retrouvée. Elle a été adressée à sa femme qui ne l'aura jamais reçue. Qu'il n'aura jamais reçu. Hein. Jérôme Bois a retrouvé la trace des deux enfants du couple ému à l'idée de bientôt recevoir cette lettre. Voilà, bien c'est gentil ça, ce genre d'article. Hein. C'est gentil. Ça fait une demi-page dans Vosges Matin du 2 septembre, du lundi 2 septembre 2019. Mais rappelons quand même que ce lieutenant Eric Aulela, qui était à Gérard May à ce moment-là, 1944, eh bien il était à Gérard May au moment où les Allemands ont mis le feu à la ville de Gérard May. Ils ont brûlé toute la ville, sauf un quartier au centre. Hein. L'officier allemand qui commandait la place, il a pris un crayon devant l'assistance du curé et du maire de Gérard May. Il a pris un crayon rouge, il a tracé un cercle vers le centre de Gérard May. Il a dit, bon voilà, ce qui est au centre du cercle, eh bien ça ne sera pas brûlé, mais tout le reste de la ville sera incendié. Voilà. Alors, comme ça, les gens se sont retrouvés sans abri au moment de l'arrivée de l'hiver. Hein, oui. Alors maintenant, faut pas qu'on soit trop content de cette aventure de lettres retrouvées, envoyées des années après, etc. C'est gentillé, mais c'est gentillé. Enfin, ceux qui ont subi la guerre, qui ont subi la captivité des prisonniers de guerre, ceux qui ont subi la déportation, ceux qui ont subi les incendies, etc., etc., les privations, les morts, les blessés, voilà. Hein, ils voient peut-être les choses de façon différente. Et ne voyons pas l'Allemagne forcément comme un exemple. Hein. C'était pas un exemple à l'époque. Et peut-être que de nouveau l'Allemagne elle est traversée un peu par des démons, hein. Un peu les mêmes que chez nous d'ailleurs. Hein. L'extrême droite allemande et l'extrême droite française, c'est un peu la même chose bien sûr. Hein. Alors en France, tiens la politique à droite, LR, les Républicains, la sinistrose sous le soleil. Sous le soleil, mais pas éclatante, l'université d'été de la Baule s'est déroulée samedi dans une ambiance d'optimisme forcé. Le parti LR doit se reconstruire, mais est encore sonné. Voilà. Eh bien, ils sont sonnés, ben c'est bien. C'est bien, le malheur, c'est qu'ils sont remplacés par des gens qui sont pas mieux qu'eux. Hein. Ben oui, les Macroniens et les... les soi-disant gaullistes, parce que gaulliste, comme disait De Gaulle, si gaulliste il y a, il n'y croyait pas trop, lui, à ces gens qui se disaient gaullistes et qui soi-disant le suivaient. Ouais, il le suivait à condition qu'il fasse une politique qui leur était favorable. Quand il a commencé à parler de participation et des choses comme ça, ils sont dépêchés de provoquer son licenciement. Hein? Eh oui, ben oui, ben oui. 5 millions de chômeurs en France et des entreprises qui peinent à recruter. D'un point de vue comptable, cela ressemble à un non-sens. Les deux fléaux de la balance devant naturellement s'équilibrer. Ouais, bon, c'est une façon de dire les choses. Ouais. 31 août 2019, rappelons-nous la date, samedi 31 août 2019. Ça fait 50 ans que le chômage est augmenté en France. 50 ans. 50 ans que l'on plonge des gens... dans la misère, il y a 19 millions de pauvres en France. Hein? Oui. 6 millions de chômeurs. Beaucoup de misère fabriquée pour favoriser l'enrichissement des riches. Voilà. Eh bien, tout ça, un jour, ça leur explosera la figure. Ben oui. Les Allemands qui ont provoqué l'arrivée au pouvoir de Hitler, eh bien, ils ont provoqué la mort de 10 millions d'Allemands. 10 millions. Eh oui, par rapport à la population, c'est eux qui ont eu le plus de morts. Hein. Ceux qui ont eu le plus de morts, ce sont les Russes, 17 millions, mais ils étaient beaucoup plus nombreux aussi. Donc le record est battu par les Allemands, si on peut appeler ça comme ça. Hein. Et ça n'a pas servi de leçon. Et j'ai appris à différentes reprises et par différents moyens que les livres d'histoire en Allemagne, les places publiques, il n'y a pas trop de monuments aux morts. Hein. Y a pas trop de, on évite de parler aux jeunes de la guerre. Parce qu'il faudrait parler des conséquences de la guerre et il faudrait parler aussi des causes de la guerre. Et ça, on essaye d'en parler le moins possible. D'ailleurs, en France aussi, on n'en parle pas trop. Hein. Non, non, non, non. On parle du dernier match de foot, bien sûr, du Tour de France, etc. Alors, Allemagne, politique, à l'Est, scrutin périlleux pour Angela Merkel. Pas Angela, comme disaient les journalistes bien informés pendant des mois et des mois. Hein, parce que Angela, oui, aux États-Unis on dit Angela, mais en Allemagne on dit Angela. Hein? Eh oui, ben oui, quand on est journaliste, comme disait Léo Ferré, il faut commencer par s'informer soi-même avant de prétendre informer les autres. C'est pour ça qu'on a inventé les radios libres à une certaine époque, il y a 38 ans, 39. Les scrutins régionaux prévus demain en Saxe et dans le Brandebourg, ex-RDA, République démocratique allemande, risquent d'affaiblir un peu plus la coalition d'Angela Merkel, avec une montée supplémentaire de l'extrême droite. Voilà, c'était le 31 août 2019. Voilà, voilà, voilà. Ben oui, la roue de l'histoire, elle fait un tour, et quand elle a fait un tour, ben elle revient quasiment à son point de départ. Eh oui, c'est ça qui est moche, c'est ça qui est triste, c'est que les leçons de l'histoire, eh bien, on les comprend pas, on les assimile pas, on ne les mémorise pas, et on les utilise pas. Aux urgences, la colère ne retombe toujours pas dans les hôpitaux. Ben oui. Affaire Grégory, un corbeau de retour dans les Vosges. Eh oui. Et si les corbeaux ou les vautours de ces matins disparaissent, disait la chanson, le soleil brillera toujours. Oui, ben vas-y. Alors, tiens, les écoles. Plus de 800 élèves reprennent le chemin de l'école. Le maire Jean Aigret a fait la tournée des établissements scolaires dans la matinée du lundi 2 septembre. Alors, parmi ces joyeux, charmants bambins que l'on voit là, qui sont tout mignons, tout gentils, combien y a-t-il de futurs chômeurs? Combien y a-t-il de futurs érémistes, de futurs smicards, de futurs accidentés du travail? Hein, quel genre de société on va laisser à ces petits-là? Quel genre de société on va leur laisser? Hein? Voilà. Eh ben oui, les responsables, c'est nous, les adultes. Nous qui votons parfois très mal. Hein? Eh oui. La baisse démographique se poursuit. Eh ben tant mieux, bon, je dirais. Tant mieux, parce qu'on va pouvoir fermer les maternités. On va pouvoir fermer des maternités, il y aura moins de naissances, donc c'est bien. Il y aura moins d'écoles, on va pouvoir fermer des écoles. Donc licencier des enseignants, donc faire des économies. Et puis ensuite, eh bien, il y aura moins de consommateurs, donc on pourra fermer aussi des magasins. Et puis on pourra cesser d'entretenir les routes. Eh ben oui, on peut faire des économies. Ce qui coûte cher, c'est l'espèce humaine, voyons. Il y a trop de gens, il y a trop d'êtres humains sur la surface de la Terre. Eh oui, oui, oui, oui. Alors, allons, hein, c'est pas la peine de continuer à fabriquer des chômeurs, de fabriquer des malheureux. Parce que ça fait des générations qu'on fabrique des malheureux. La génération de ceux qui ont fait la guerre de 14. Et puis qui ont été tués au combat, ou qui ont été mutilés, ou qui ont fait des chômeurs, des orphelins, etc., etc. On fabrique de la misère, et on a recommencé à fabriquer de la misère après, entre les deux guerres, et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on a continué à fabriquer de la misère. Pourquoi? Pour fabriquer des malheureux? Eh bien, pour fabriquer des riches à côté. Eh ben oui. Pour fabriquer un riche, il faut fabriquer 1000 pauvres. Hein? Alors, société du 3 septembre au 25 novembre, que faut-il espérer du Grenelle contre les violences conjugales? Alors, rappelons que le Grenelle, ça veut rien dire. C'est une ânerie. Grenelle, on a posé ce mot Grenelle parce qu'il y a eu les accords de Grenelle en 68. Mais, enfin, ça n'a plus grand-chose à voir. Voilà, alors on voit Marlène Schiappa, à droite, qui a voulu lancer, à droite sur la photo, mais à droite sur l'échiquier politique aussi, a voulu lancer son Grenelle le 3/9/2019 en clin d'œil, au numéro de téléphone d'écoute des femmes victimes, le 39-19. Alors elle a l'air bien triste, pour une fois, Marlène Schiappa, parce que d'habitude, quand même, elle s'efforce d'être souriante et avenante, etc. Hein, voilà. Alors, espérons qu'elle aura des résultats, parce qu'il y a déjà eu une centaine de femmes qui ont été tuées par leur conjoint, voilà, en France. Et puis, dans d'autres pays, ben, certainement, à peu près dans les mêmes proportions. Hein, des pays qui sont plus civilisés que la France, il n'y en a pas tellement. Alors, voilà. Eh ben, la France, elle est civilisée, oui. Mais largement pas assez, hein. Il y a des progrès à faire, beaucoup de progrès à faire.

chat.